histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, le Rwanda. La nouvelle ne s'est répandue que ce matin à Kigali. De l'attentat accusant les coupables tout désignés à l'opération. Vive l'armée française, vive l'intervention française. La radio gouvernementale ne cesse de répéter depuis hier ce slogan. C'est une opération humanitaire conduite dans un temps limité. La France était prête sans attendre l'arrivée de la force des Nations Unies. Le régime qui massacre aujourd'hui a été aidé, soutenu, armé par la France. La MINUA avait été réduite à peau de chagrin au tout début du génocide. Les massacres des civils se poursuivent. Sous le nez des forces françaises qui étaient là précisément pour sécuriser. Les pays qui, un par un, avaient promis d'envoyer des troupes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces salauds? Les gens qui avaient besoin d'être sauvés, on se posait pas la question tout, on prend qui, on prend quoi. Suite de l'entretien auprès de Laure de Vulpian, journaliste, auteur avec Thierry Brugnot, de l'ouvrage « Silence turquoise, Rwanda 1992-1994, responsabilité de l'État français dans le génocide des Tutsis », extrait. Mercredi 29 juin. François Léotard est en visite au Rwanda dans le Hutuland. Après Goma, Bukavu et Nyarushishi dans la matinée, le ministre de la Défense arrive en début d'après-midi à Gishita, désormais considéré comme le point chaud du dispositif. Son inspection se déroule au moment précis où des dizaines de Hutus encadrés par les miliciens et ou une poignée de soldats poursuivent leur sale boulot à Bisesero. Cette fois, le massacre se déroule à la machette, sans le moindre coup de feu et toujours sans un cri. Les tueurs savent qu'ils ne doivent pas attirer l'attention des militaires français dont les hélicoptères se posent à Gishita. Sans savoir ce qui se déroule à 3 ou 4 km à vol d'oiseau, le ministre se fait présenter la situation. C'est Marin Gillier qui officie. L'officier évoque le triangle de Kibuye, dont les trois pointes sont Kibuye, Gishita et Bisesero. Selon l'état-major, ce périmètre concentre tous les dangers du moment. Des rebelles s'infiltrent dans la zone et les accrochages se multiplient. Gillier explique au ministre que les renseignements recueillis par ces hommes évaluent à une centaine au moins le nombre d'infiltrés FPR. Ils auraient réussi à franchir les lignes tenues par l'armée régulière et se cacheraient dans les montagnes voisines et dans des grottes. L'erreur d'interprétation est patente. Les officiers français sont, au choix, ou très mal renseignés, ou très bien intoxiqués. Ce qui revient au même. Et donc, tout le monde est en état de vigilance absolue. Chacun dans son véhicule, ils sont quatre par véhicule. Tous les quatre, ils ont leur arme tournée vers l'extérieur, prêts à tirer à vue sur le premier homme qui bouge et qui serait susceptible de les attaquer, parce qu'ils s'attendent vraiment à ce que des mecs du FPR leur tirent dessus. Et en fait, ils passent, boum, et il se passe rien. Et ils arrivent à Gisovu, et là, comme souvent quand ils font des distributions alimentaires comme ça, la population immédiatement se rend compte que on va pouvoir avoir à boire, à manger, etc. Pof, tout le monde vient. Et en fait, ce qu'il faut dire, mais ils ne le savent pas non plus, c'est qu'ils ne sont pas du tout dans un village martyr, ils sont dans un village épuré, épuration ethnique. Il n'y reste plus que des Hutus à Gisovu. Et donc, la distribution commence et... Et sans doute pas des Hutus modérés. Ah non. Non. Non, parce que les Hutus modérés, c'est pareil. C'est comme des Tutsis. Ils sont ciblés eux aussi. Donc, ils se planquent. Ils sont cachés. Ils se planquent ou ils sont massacrés. Voilà. Et on est, je vous le rappelle, au 83e, 4e jour du génocide. C'est-à-dire, le génocide, il s'épuise très vite, en fait. C'est une progression fulgurante au début. On massacre à tour de bras. Et petit à petit, on massacre de moins en moins, parce qu'il y a de moins en moins de gens à tuer. Et ceux qui sont cachés, ils sont bien cachés. Donc finalement, au bout du compte, hein, le génocide aura tué 1 million de personnes. 75% des Tutsis du Rwanda auront été tués à ce moment-là. Quand on arrive au 80e jour du génocide, le génocide, il est quasiment arrivé à sa fin. On est sur 100 jours, à peu Trois près. Mois. Trois mois. Une saison voilà. De machette, comme dirait ouais. Jean Hatzfeld. Donc, ils arrivent à Gisovu. Ils commencent leur distribution. C'est-à-dire, en fait, il y a une répartition des rôles. Dans ce détachement gilier, il y a les commandos marines. C'est en fait un groupe de une quarantaine de militaires, moyenne d'âge 25 ans, avec des chefs qui sont un peu plus âgés. Mais c'est eux qui procèdent à la distribution. Il y a les autres unités, dont celle du GIGN et de l'EPIGN, avec donc Thierry, plus des gens dont on retrouve les prénoms dans le livre, Philippe, etc., Olivier, et tout, et eux, qui sont plus âgés, plus aguerris, plus entraînés, et spécialisés dans le renseignement, ils partent renifler, comme ils disent. Et en fait, je suis désolée, mais c'est au sens propre aussi, c'est-à-dire, ils vont sentir l'odeur de la mort. Et ils vont découvrir que là, il y a 1, 2, 3 cadavres. Dans ce puits, il y a 1, 2, 3 cadavres. Et on est toujours à Gisovu. Et puis, il y a un gars qui vient vers eux. Et pareil, c'est un zombie. C'est un type en haillons. C'est un type qui a les cheveux longs, qui a de la barbe, qui pue parce qu'il ne se lave pas, qui est maigre comme un clou. Il pue aussi parce qu'il côtoie la mort, qui s'est peut-être imprégnée en lui. Certainement, certainement. Et ce gars vient les tirer par la manche. Et leur dit, vous n'êtes pas au bon endroit. C'est pas là qu'il faut être. Si vous voulez, je peux vous montrer l'endroit où il faut aller. Je peux vous y emmener. Je peux vous accompagner. Donc, rapide, très très rapide, c'est des gens extrêmement réactifs, les Thierry, Philippe, etc. Hein, c'est des spécialistes quand même, ces gens-là. Des gars de terrain. Voilà. Qui ont l'habitude de ce genre de mission. Très réactifs. Ils se concertent entre eux et parmi eux, il y a un officier, sinon ce sont des sous-offres. Et ils disent, on embarque le gars et on y va. Ils en réfèrent plus ou moins à la hiérarchie, qui au début dit non, et puis finalement, on force un peu les choses, hein, et dit oui. Et ils sont une douzaine, une quinzaine à descendre, emmenés par ce Tutsi. Et c'est là qu'ils arrivent à Bicécéro. Ils y étaient passés quelques... une heure ou deux, plutôt. Ils n'avaient rien vu. Et là, garent leur véhicule et au lieu de rester au bord de la route, ils marchent un peu sur la colline et c'est là qu'ils voient la colline tapissée de cadavres. Tapissée de cadavres. Enfin, ils ne sont pas à touche-touche, les cadavres, mais il y en a un tous les 2 mètres. Et c'est, je veux dire, c'est inétendu, grandiose. Bicécéro, c'est magnifique. On surplombe le lac Kivu. La vue est extraordinairement dégagée. Peut-être que quand il fait beau, on peut voir le Zaïre. C'est un paysage extraordinaire, mais c'est un paysage de génocide. Et donc, eux, ils ne voient plus que ça. Ils marchent au milieu des cadavres. Et ils voient des horreurs, ils voient des enfants découpés à la machette, des femmes avec des pieux enfoncés dans le sexe. Thierry arrive, marche avec un guide Tutsi, parce que, effectivement, ils sont là déjà depuis 5, 10 ou 15 minutes. Et en fait, dans les broussailles, dans des trous, il y a des Tutsis cachés. Et qui voient que, ah, il y a des militaires français qui viennent et ils vont venir nous aider. Donc, ils sortent de leur cachette et ils se proposent comme guide. Il y en a un qui conduit Thierry vers un... On avance, on fait peut-être 1 kilomètre. Et puis, il arrive au bord d'un ravin. Et le gars lui a bien expliqué comment ça se passait, comment depuis des jours, on les tue progressivement, que c'était d'abord les enfants, les mamans, etc. Et qu'il faut courir. Les moins rapides. Voilà. Courir jusque là. Courir jusqu'où? Eh bien, jusqu'à ce ravin. Et qu'est-ce que c'est, ce ravin? Alors Thierry s'attend à entendre quelque chose qu'il n'entend pas, par exemple un filet d'eau qui va couler en bas, un ruisseau, une rivière. Non, silence. Il s'avance et y découvre que c'est un charnier à ciel ouvert, un entassement de cadavres. Évidemment que les Tutsis, survivants, ne prenaient pas le risque d'enterrer les cadavres. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était l'endroit où les gens, les Tutsis, allaient se jeter pour ne pas être machetés. Ils étaient peut-être déjà blessés ou pas. Mais en tout cas, c'était leur suicide à eux. C'était leur façon de mourir sans être horriblement massacrés. Et donc, quand il raconte ça, il peut pas. Il craque encore. Parce que c'est hallucinant. Et donc, lui, il est le patron de son unité de gendarmes, là, et il dit, tac, tac, tac, vite, vite, vite, il faut avertir Marin Gillier, etc. Le commandement, enfin. Voilà. Ouais. Et donc, le détachement, au bout d'une heure, le détachement se regroupe, tout le monde vient là, Gillier arrive, Thierry l'emmène au bord du ravin, et lui dit, vous voyez, mon commandant, vous voyez, eh bien, les gens à qui on donnait à bouffer il y a une heure, eh bien, c'est eux qui ont fait ça. Et en fait, Gillier est muet, sidéré, livide. Et c'est Thierry qui raconte, Gillier dit « Merde, merde, merde. » Du genre « Waouh, ça, c'était pas prévu. » C'était pas prévu de découvrir ou on n'a rien compris? C'est quoi le sens de... Je ne peux pas savoir. Vous ne savez pas, ça? Je ne peux pas savoir. Oui. Je n'ai pas eu accès à Marin Gillier, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu vous parler? Non. Je regrette. On ose une interprétation personnelle? Bon, il m'aurait fallu... Alors, Marin Gillier est aujourd'hui contre-amiral. Il a d'énormes responsabilités. Il était... responsable de toute l'armée, la marine dans l'océan Indien jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Maintenant, il est au ministère des Affaires étrangères. Il a fait une très belle carrière qui est peut-être, assise sur le fait qu'il a fait ce qu'on lui a dit de faire. Il n'a pas critiqué, il a rien révélé, il n'a pas rencontré de journaliste, il n'a pas... Je sais pas, peut-être qu'il peut pas, peut-être qu'il faudrait une telle révolution en lui que c'est pas possible, je ne sais pas. Lord de Vulpian, vous nous avez mis au moins par votre récit devant l'impensable pour mettre un petit peu de côté la dimension... de voyeurisme par l'oreille et puis de l'exceptionnelle tension dramatique que ça peut, j'imagine, provoquer envers l'auditeur. On va essayer maintenant de se tourner vers la dimension problématique. Au travers de votre ouvrage « Silence turquoise », ceux qui nous écoutent l'ont compris, vous faites le focus à la fois sur l'opération turquoise, mais sur un moment bien particulier et un lieu qui s'appelle Bicécéro, avec la découverte évoquée peu avant. En quoi Bicécéro est un problème fondamental pour la question de l'opération turquoise? Qu'est-ce que dans votre ouvrage Silence turquoise, sur quoi vous décidez de mettre l'accent? Une fois encore, je vous demande des pitchs et des résumés fort difficiles parce que ça veut dire qu'il faut porter à la connaissance du plus grand nombre, de ceux qui sont le moins experts sur la question. Silence turquoise laisse entendre l'idée que, je vais le traduire à ma manière, il y a l'opération officielle, l'opération humanitaire, militaire officielle, et puis d'une certaine façon il y a l'officieuse. Est-ce que c'est comme ça que ça se prend? C'est pas sûr. L'opération turquoise a le masque de la respectabilité, au travers de cette notion de la mission humanitaire. Elle n'est pas si claire que ça. Un militaire comme Thierry Prugnot, qui coécrit avec vous cet ouvrage, découvre que son propre commandement lui donne un sens d'interprétation des réalités qui ne correspond pas du tout avec la réalité qu'il découvre. Sur quoi votre ouvrage, et au travers de ces 500 pages, je le répète, donc fourmillant d'indications et de détails, met-il principalement l'accent? Pourquoi Bicécéro? Je pense que turquoise, est une opération politique qui devait être médiatisée, donc décidée par le pouvoir politique, par François Mitterrand, avec l'aval du gouvernement de cohabitation, gouvernement de droite, gouvernement Balladur, qui était faite pour être médiatisée. L'idée, l'objectif politique, c'était de oulala, le Rwanda, il faut qu'on se refasse une virginité. On a été trop proche du régime Habyarimana, on a trop aidé les Hutus, etc. Il faut se refaire une virginité, il faut qu'on puisse faire oublier ce qui a été fait et apparaître comme des sauveurs, d'une manière ou d'une autre. Donc on fait une opération humanitaire, on se porte au secours des populations menacées, des populations en danger, et on ne dit pas qui sont ces populations. On ne dit pas si on va sauver, excusez-moi de la comparaison, mais pourquoi pas? On ne dit pas si on va sauver les Juifs ou les nazis. C'est du même ordre, c'est du même registre. Je veux dire, ça semble totalement inacceptable quand on fait référence à la Shoah. On s'en étonnerait pas à propos du Rwanda? Ça, c'est vraiment une question, une vraie question. Donc, et là, ils sont tous complices de cette manipulation. Tous, c'est-à-dire ? La gauche et la droite, les militaires et les civils. Je veux dire, voilà, on nous a baladés. Tout le monde n'a pas été dupe. Il y a eu, à l'époque, sur le moment, mais je n'étais pas là pour le voir, parce que, à ce moment-là, voilà, j'étais pas du tout, entre guillemets, intéressée à ce sujet comme je le suis maintenant. Donc, à l'époque, les Tutsis qui étaient réfugiés en France criaient, essayaient d'alerter l'opinion. Ceux qui étaient en Belgique, ceux qui étaient en Suisse, ceux qui étaient en Allemagne faisaient la même chose. Et en fait, on était tous sourds. Et il y avait même des gens au Conseil de sécurité, par exemple, pays observateur, la Tchécoslovaquie, le représentant de la Tchécoslovaquie au Conseil de sécurité, il a lancé l'alerte, mais il n'a pas été entendu. Et il a lancé l'alerte fin mai. Il n'est pas entendu en France. C'est là-dessus principalement que vous pointez. Alors, voilà, la France a quand même une position tout à fait singulière dans la mesure où elle est le pays qui a le plus soutenu, porté à bout de bras le régime Hutu jusqu'au bout, y compris le génocide. C'est-à-dire, on a vraiment pris nos distances avec même le gouvernement intérimaire que le 15 juillet, alors que la guerre est officiellement terminée le 17. Le génocide est fini depuis peut-être le 30 juin, bicécéro, ou le 3 juillet, ou quelque chose comme ça. Donc vous vous rendez compte de ce que ça suppose? Ça veut dire qu'on a soutenu politiquement, financièrement, ce régime, et moralement même. Je veux dire, si tant est qu'il y ait de la morale là-dedans. Génocide compris. Il faut dire également, lors de Vulpian, que pour brouiller davantage les pistes, au niveau politique, à Paris, on n'analyse pas du tout les choses de la même manière. Pour le dire de manière rapide, mais vous le préciserez, vous le détaillerez, au sommet de l'État, entre le président et son premier ministre, Édouard Balladur, Mitterrand Balladur, on n'a pas du tout la même analyse. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment chacun analyse la situation et quels sont les points de vue qui s'opposent? Alors d'abord, il faut dire qu'une période de cohabitation, c'est effectivement un peu particulier. De toute façon, c'est le président de la République qui est le chef des armées et les affaires étrangères, la politique étrangère est réservée au président de la République. Donc le gouvernement gère les affaires intérieures. Le Rwanda, c'est pas vraiment une affaire intérieure. Donc c'est pas tellement le gouvernement Balladur qui est aux manettes. C'est évidemment l'Élysée. Et donc, c'est l'Élysée qui prend les décisions. Moi, je ne peux pas lancer l'anathème, prononcer des condamnations, tout ça, c'est pas du tout... Non, mais donnez déjà les points de vue. Mon rôle. Mais bon, Mitterrand, il est amoureux d'Abiyarimana. depuis longtemps. Ça, c'est un scoop. Voilà. Il aime beaucoup. Enfin, les deux sont... Il aime beaucoup ce chef d'État africain qui est si cultivé, si bon chrétien, qui cite les poètes, etc. Il aime beaucoup Habyarimana, qui est très révérencieux à son égard. Bon, et ils ont des relations étroites. Et puis surtout, les deux fils, Mitterrand et Habyarimana, s'aiment bien aussi. Donc voilà. Tandis que Balladur, il arrive aux affaires en mars 93. Donc, quand le génocide est turquoise, lui tombe dessus, lui, il n'a pas de passif avec le Rwanda, ou de passé, disons. Hein. Il n'est pas lié par quoi que ce soit. Et effectivement, il est peut-être lui, et quand je dis lui, c'est aussi les membres de son gouvernement. C'est peut-être la lecture globale à droite, générale à droite. Hein. Il est peut-être beaucoup... Ça inclura François Léotard, Alain Juppé... Oui, mais... Pareil, c'est un peu difficile de ouais. distribuer les rôles aussi, mmh. aussi précisément, hein, mais bon. Ils sont beaucoup plus, effectivement, sur quelque chose de humanitaire, compassionnel, hein. Ils sont pas dans le machiavélisme ou, tiens, Mitterrand, j'imagine qu'il a pensé comme ça. Excusez-moi, mais vous parlez de déshonneur de Mitterrand, voilà. Donc il faudra quand même préciser. On va aller donner un dernier coup de main à nos amis Hutus. On voudrait absolument empêcher que ces espèces de salauds de rebelles anglophones s'approprient le Rwanda, qui est quelque part notre Rwanda, à nous la France. Ah bon ? On a été colonisateurs au Rwanda ? Non, c'était les Belges. Alors ok, on a pris leur place, mais quel droit on a ? Aucun. Et puis, ok, on a choisi notre camp et on est dans cette espèce de guerre... moi, les gens de ma génération, ma génération, je sais pas, après tout, j'en sais rien. Mais la guerre contre les Anglo-Saxons, je comprends pas. Enfin, je veux dire, c'est pas de mon. Comment vous, Crécy, vous ne vous rappelez pas. Voilà. Et lui, il est encore là-dedans. Lui, il est encore Troisième République, ou j'en sais rien. Enfin, je veux dire, il est encore avec un espèce de vieux schéma qui est incompréhensible quand on est face à un génocide. C'est juste ça. Faut juste se rappeler ça. Je veux dire. Il faisait quoi, Mitterrand, à ce moment-là ? Alors, ok, il était très malade. Il était quasiment en phase terminale de son cancer. Bon, il est mort un an après, mais il était au bord de l'incapacité, je pense. Mais ce qui se passe surtout lors de Vulpian, c'est que, admettons qu'un homme ait des difficultés oculaires, mais que ceux qui, après lui, continuent encore aujourd'hui, dites-vous, de défendre son approche et finalement de le défendre lui... Là, vous dites, là, il y a quand même un peu une limite à l'exercice. Alors, ça, parce qu'au fond, la défense de la ligne voulue par l'ancien président français François Mitterrand a toujours ses avocats. Oui, puis même à droite, même Édouard Balladur défend la politique de François Mitterrand à l'époque. C'est-à-dire, en fait, là, c'est un phénomène de caste. C'est pas le bon mot, parce que c'est pas franchement une caste, mmh. mais on défend l'État. L'État avec un grand E. C'est-à-dire... On ne peut pas laisser l'État être attaqué. Et c'est vrai que là, avec cette histoire et avec ce livre... Avec votre livre, avec Silence turquoise... On voit une terrible faute de l'État, ou du premier personnage de l'État. Et alors, c'est une faute du premier personnage de l'État. Et pour ne pas porter atteinte à l'image de l'État, on va du coup mettre le couvercle et empêcher que tout ça sorte. Ils seront deux, trois, c'est très rare, vous le dites, Jean-Louis Brochamp, Michel Rocard, Arnaud Montebourg. Michel Rocard notamment, vous citez, dire, attendez, c'est quand même... Oui, mais alors, c'est quelques lignes voilà, c'est noyé perdues dans des bouquins. Perdu, oui. Ouais. Et même la mission qu'il a, elle a dit des choses. Mais par contre, le président qui laisse, lui, a toujours, au contraire, minimisé. Donc, le rapport de la mission est bien critique, il dénonce, mais le président de la mission, dans sa communication, il défend la France. C'est quand même assez extraordinaire, c'est complètement schizophrène, finalement. La France est schizophrène sur... Enfin, la France, les autorités françaises. S'il ne devait y avoir qu'une anecdote parmi mille autres qui sont dans toutes ces pages de Silence turquoise, je vous propose en guise de conclusion, lors de Vulpian, de nous raconter simplement en quelques mots l'aventure du petit Marcel. Parce que rien que ça, ça donne un avant-goût de la richesse humaine de votre ouvrage. Alors, pour introduire cette anecdote, il faut juste dire que, avant même de commencer à écrire « Silence turquoise », Thierry Pregnaud et moi, nous sommes allés ensemble au Rwanda en janvier 2006. Bon, on en vient à l'anecdote du petit Marcel. Le 30 juin 1994, à Bicécéro, dans l'après-midi, Thierry voit une femme en pagne. C'est le bout de tissu noué autour de la taille qui sert de jupe aux femmes. Arriver avec quelque chose dans les mains. Et elle lui tend ce quelque chose. Et c'est dans un chiffon blanc, enfin blanc, gris, sale. C'est un bébé. C'est un nouveau-né. C'est son nouveau-né. Et elle ne lui explique pas elle-même parce qu'elle ne parle que le Kinyarwanda, mais un Tutsi qui parle français vient faire l'interprète. Et en fait, elle explique qu'elle a accouché 2 jours plus tôt, qu'elle l'a coupé elle-même le cordon, qu'elle montre son sein qui est vide. Évidemment, elle est affamée, elle n'a pas mangé depuis je ne sais pas combien de temps, elle n'a pas de lait. Et donc, elle demande qu'on sauve son bébé. Et donc, immédiatement, il y a 2, 3, 4 gendarmes autour de Bernadette, c'est le nom de la maman, et du petit Marcel. Et voilà, l'idée, c'est d'emprunter au médecin du détachement, le doc, Eric, le capitaine Eric, lui emprunter un gant chirurgical. Alors, il faut le retourner parce qu'il y a du talc à l'intérieur, donc il ne faut pas faire boire du talc à un bébé. Il faut percer des petits trous avec une aiguille, donc il faut d'abord stériliser l'aiguille, on chauffe, on perce des petits trous. Dans un quart de militaire, on reconstitue du lait avec un truc de lait lyophilisé comme ils ont dans leur paquetage, et on remplit un doigt du gant avec le lait. Et ça, c'est Thierry qui le fait, et il y a une photo dans le livre. Et Thierry met le doigt du gant sur la bouche du bébé qui se jette dessus. Voilà. Et donc, ce petit Marcel, à 2 jours, est sauvé par Thierry. Et quand Thierry m'a dit le rêve, c'était en 2005, 6 mois à peu près après notre première rencontre, m'a dit, oh là là, tu vas au Rwanda, tu m'emmènes, mon rêve c'est de retourner au Rwanda. Je dis, ok, on pourrait envisager ça un jour. Et oui, on l'a fait. Donc, je lui dis, mais pourquoi? Mais je voudrais bien retrouver Bernadette l'infirmière, le petit Marcel, il ne savait pas qu'il s'appelait Marcel, le petit bébé que j'ai sauvé, etc. Et quelques autres personnes. Je lui ai dit, ben, on va essayer de monter ça. Et effectivement, on a réussi. Et on a retrouvé la maman, Bernadette, qui est toujours en vie. Et on a retrouvé Marcel, qui, à l'époque, avait 2006, 12 ans, ou quelque chose comme ça. Voilà. Et donc maintenant, Marcel va avoir 20 ans. Et il est toujours vivant. Et il a rencontré Thierry. Il a retrouvé Thierry. Demain, vendredi, Histoire vivante est à lire dans La Liberté. 6 pays d'Afrique orientale, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda et le Soudan du Sud envisagent d'unir leur destin. Déjà partenaires économiques avec union douanière et marché commun, ils veulent mettre en place une confédération politique. Afrique de l'Est, l'union fait la force. Un dossier à découvrir ce vendredi dans La Liberté. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté, dans lequel vous retrouverez demain d'autres développements du sujet. Avec aujourd'hui la participation de Jean-Philippe Salen, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et la voix de Jean-Marie Gerbert. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.